إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 85 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafatu Ashab al-Jahim, écrit par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son commentaire qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et donc on continue, qu'est-ce qu'on a expliqué dans les deux derniers cours? On était en train d'expliquer Khutbat al-Hajjah, yani Khutbat al-Hajjah au Khutbat al-Wada', le discours d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on a expliqué au dernier cours les choses qui ont rapport avec les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers la femme, et on continue donc maintenant avec d'autres conseils qui ont été mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant cette khutbah. Et il dit: ثم قال صلى الله عليه وسلم في ختام هذه الخطبة العظيمة وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نحن نشهد أنك قد بلغت. أراد أن يقيم عليهم الحجة بأنه قد بلغهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت. فرفع صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد. فدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. Donc on va expliquer ce passage. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il explique donc dans ce passage à propos de Hajjat al-Wada', Khutbat al-Wada', il explique ensuite donc les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh al-Fawzan, il commente là-dessus. Il dit: antum tus'alun, yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à la fin de sa khutbah: antum tus'alun anni famadha antum qa'ilun. Au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va vous demander à mon sujet: est-ce que j'ai bien transmis le message? Alors qu'est-ce que vous dites? Et ils disent, c'est-à-dire les sahaba, ils disent nous témoignons que tu as bien transmis le message et que tu as été sincère. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu établir la preuve qu'il leur avait transmis le message correctement. Et donc il dit: au jour de la résurrection, vous allez être questionnés et on va vous demander: alors qu'est-ce que vous dites? Et ils disent: nous témoignons que tu as transmis le message et que tu as été sincère et que tu as fait ce qui t'avait été demandé. Alors il lève son doigt vers le ciel et il dit: oh Allah, sois témoin. Allahumma shahad. Et donc ça, c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une transmission claire, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui avait ordonné de le faire dans le Coran, comme le verset 67 dans surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au messager en disant: ô toi le messager, transmets ce qui est révélé sur toi de ton Seigneur. إن عليك إلا البلاغ يعني فهو بلغ صلى الله عليه وسلم بشهادة أمته له بذلك والله جل وعلا يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين أي أن الأمم تسأل يوم القيامة هل بلغها رسلها ويسأل كذلك الرسل قال عز وجل ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 48 dans sourate Shura, in alayka illa al-bala, c'est-à-dire il ne t'incombe que la transmission du message. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message d'Allah à sa umma par le témoignage de sa umma elle-même. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans Sourate Al-A'raf, le verset 6, et nous demanderons certes aux messagers, et nous demanderons certes aux nations ou aux peuples à qui les messagers ont été envoyés, et nous demanderons également aux messagers. Donc il va questionner les peuples qui ont reçu les messagers, et il va demander également aux messagers eux-mêmes. C'est-à-dire que les nations seront questionnées au jour de la résurrection. Est-ce que leur messager a transmis le message? Et on va également demander aux messagers eux-mêmes. Hein? Et on va leur dire, comme c'est mentionné dans le verset 109 dans Surat Al-Ma'ida, « Mada ajabtum » Qu'est-ce que vous avez répondu? « Qalu la ilma lana » Nous n'avons pas de science. « Innaka anta allamul ghuyub » C'est toi qui connais certes l'invisible. Le cheikh il dit ensuite, « Wa hadhihi l'umma, wallahu walillahi alhamd » تشهد لنبيها صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين وذاك الموقف في ذاك الموقف العظيم فنحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين فها هو القرآن العظيم يتلى ويرتل كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يسقط منه حرف أو كلمة أو آية ولم يحرف أو يبدل كذلك سنته صلى الله عليه وسلم قد حفظت لنا ودونت ونظمت تحت أبواب وكتب بحيث يسهل رجوعنا إليها عند الحاجة وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر بين أظهرنا ولهذا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Donc le cheikh il dit que cette umma par la grâce d'Allah elle témoigne pour son prophète qu'il a transmis le message de façon claire. Et ça, c'est, yani, dans une situation ou dans un endroit qui est immense, un grand endroit, le jour de, yani, du khutbah d'adieu, du hajj d'adieu. Et il dit, nous témoignons également qu'il a transmis le message d'une transmission claire. Et voilà le Coran qui est parmi nous, qui est récité, hein, et qu'il est récité par les musulmans de la même manière qu'il a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a rien qui manque dedans, pas une lettre, pas un mot, pas un verset, il n'y a rien qui a été déformé ou falsifié dedans. Et de même, la même chose pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été préservée pour nous, elle a été mise par écrit, hein, et elle a été organisée en chapitres et en livres, pour que ce soit plus facile pour nous de retourner à ces références dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on en a besoin. Et c'est comme si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était présent parmi nous encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Restez accrochés à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. » Il dit « Wa qawluhu sallallahu alayhi wa qawluhu » ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب. المقصود أنه بعد الخطبة أمر المؤذن فأذن أذان الظهر وإن صادف أن قومه أن وقوفه وإن صادف أن وقوفه صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعة فظن بعض الناس أنه صلاها جمعة، فمما يدل على أنها ظهر أنه أخر الأذان بعد أنه أخر الأذان إلى ما بعد الخطبة ثم صلى ركعتين، أي الظهر مقصورة، ثم أمر المؤذن فأقام، ثم صلى بعدها العصر ركعتين جمع تقديم، وجمع التقديم هو المتعين في هذا اليوم، وجمع التقديم هو المتعين في هذا اليوم لأجل أن يتفرغ المسلمون للذكر والدعاء والوقوف بعرفة. وأما جمع التأخير فهو في مزدلفة بعد النفور من عرفة، فيجمع جمع تأخير عند الوصول إلى مزدلفة من أجل مواصلة السير، فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء وقصرا يعني جمعا وقصرا للعشاء. نعم. Donc le cheikh il explique ici qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Salam alaikum. C'est-à-dire après la khutbah. C'est-à-dire après la khutbah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit puis ensuite on a fait le adhan, puis ils ont fait l'iqama, puis ils ont prié la prière de dhuhr, puis ils ont fait une autre iqama ensuite, et ils ont prié la prière de asr. Et entre les deux, entre le dhuhr et l'asr, ils n'ont rien prié. Puis il est monté sur sa monture. Donc le cheikh explique que qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est qu'après la khutbah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on fasse l'adhan, qui est le adhan de salat al-dhuhr. Et il dit que même si ça tombait que c'était le jour du wukuf, le jour où on doit se tenir sur Arafat, tombait le même jour que Jumu'ah, c'est parce que certaines personnes pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait deux rak'a parce que c'était le Jumu'ah. T'sais, il a fait la khutbah et après il a prié rak'atayn. Donc certaines personnes ont dit c'est parce que c'était le Jumu'ah. Et le cheikh il dit non. Et parmi les preuves que c'était pas parce que c'était le Jumu'ah mais que c'était le salat al-dhuhr, c'est qu'il a fait le adhan après la khutbah. Alors que le vendredi, on fait le adhan avant la khutbah et non après la khutbah. Et donc ça c'est la preuve que c'était pas salat al-Jumu'ah mais c'était plutôt salat al-dhuhr. Et qu'il l'a prié raccourci, pourquoi? Parce qu'il est voyageur. Et ensuite il a ordonné qu'on fasse le adhan, donc et qu'on fasse l'iqama, puis il a prié le dhuhr, et ensuite il a prié le asr, il a fait l'iqama ensuite après le dhuhr, il a fait l'iqama après il a prié le asr, rak'atayn encore, et on appelle ça jam'u taqdim. Il y a jam' c'est dans le sens de réunir les prières. On peut réunir le dhuhr avec le asr, et on a le droit de réunir aussi le maghrib avec l'isha. Et ça c'est ce qu'on appelle al-jam'. On les prie les deux ensemble, une après l'autre. Et quand on dit taqdim, ça veut dire on le prie en avance. Et quand on dit jam' ta'khir, ça veut dire on le prie en retard. Ou bien plus, on le laisse jusqu'à la prière suivante. Dans quel sens? C'est dans le sens que si on décide de prier le dhuhr et l'asr ensemble, on peut décider de faire le dhuhr et l'asr. On peut décider de faire le dhuhr et l'asr ensemble dans le temps de dhuhr, ou de faire le dhuhr et l'asr ensemble dans le temps de asr. Donc si on le fait dans le temps de dhuhr, on dit que c'est jam' taqdim, parce qu'on l'a avancé. Et si on décide de faire dhuhr et l'asr dans le temps de asr, on va dire que c'est jam' ta'khir, parce qu'on l'a reculé jusqu'au asr. La même chose pour le maghrib ou l'isha, on peut faire le maghrib ma' l'isha dans le temps de maghrib, donc c'est jam' taqdim, ou bien on peut le retarder et faire le maghrib et l'isha ensemble dans le temps de isha. Donc dans ce cas-là, ce sera jam' ta'khir. Et c'est pour ça que ici le cheikh il dit qu'il a prié jam taqdim, parce qu'ils ont fait tout de suite après la khutbah, ils ont fait al-dhuhr, puis après ils ont fait l'asr tout de suite après, rak'atayn. Donc ça c'est jam taqdim, ok. Et il dit pour quelle raison ils ont décidé de faire jam taqdim ce jour-là. C'est parce que par la suite il allait pouvoir être se concentrer uniquement sur le fait de pouvoir faire des invocations et des doigts et de se tenir sur Arafat et de profiter de ça, hein? Donc le fait d'avoir fait Dhuhr ou l'Asr, c'est comme si par la suite ils sont libérés au rappel et au dhikr et au fait de faire des doigts. Et c'est ça le but justement lorsque tu vas à Arafat, c'est un jour de dua et de dhikr. Et tandis que le jam ta'khir, ça c'est plus tard, c'est quand tu quittes Arafat pour aller à Muzdalifa, tu vas arriver à Muzdalifa et tu vas faire al-maghrib ou al-isha, mais ensemble, mais dans le temps de isha, d'accord. Et il dit na'am فيجمع جمع تأخير عند الوصول إلى مزدلفة من أجل مواصلة السير. Donc c'est-à-dire que pour pas que tu aies besoin de t'arrêter en chemin avant d'arriver à Muzdalifa, de prier en chemin puis de partir après, comme ça tu pars et tu fais un seul trajet. Quand tu arrives, tu pries جمع تأخير, comme ça tout est réglé. Yani à l'époque où j'avais fait le Hajj, c'était en 95. Je sais pas maintenant, étant donné qu'il y a tellement de choses qui ont changé à Mecca et à Medina, surtout à Mecca et à Muzdalifa et tout ça. Donc je sais pas si c'est pareil comme c'était avant, mais je me rappelle qu'à Muzdalifa on avait des trucs qu'on mettait par terre pour dormir, comme des petits tapis de paille, hein? Mais c'est pas des pailles, c'est en plastique. Mais j'en ai vu en Afrique comme ça, des trucs comme ça. Puis on mettait ça par terre puis on dormait là-dessus. Non, clair, ça c'est sûr qu'on n'était pas aussi à l'aise que ça, mais c'était bien, machallah. Puis c'est-à-dire que maintenant je sais pas s'ils ont construit des toits ou de je sais pas quoi. Oui, il y a beaucoup de choses qui changent maintenant. Non. Donc ensuite le cheikh qu'est-ce qu'il dit? Il dit ففي هذا الحديث من الفوائد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعه في هذا اليوم كما انه لم يكن يصليها هو ولا اصحابه في الاسفار وإنما كانوا يصلونها ظهرا فالذين يزعمون أن الفرض في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة على المسافرين وعلى الحاضرين وعلى كل أحد هؤلاء قد أخطأوا وليس عندهم فقه في الشريعة ولم يراجعوا النصوص ويتأملوا فيها فالذي عليه جماهير المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في أسفاره ولا كانوا نعم لم يصلي الجمعة في أسفاره ولا كانت البوادي حول المدينة تصلي الجمعة لأن صلاة الجمعة يشترط لها al-istiqrar wal-istitan. Donc ça c'est un point très important. Le cheikh il explique que parmi les choses bénéfiques de ce hadith qu'on peut comprendre et qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que c'était le Jumu'ah, il n'a pas prié salat al-Jumu'ah ce jour-là. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas le Jumu'ah, ainsi que lui et ses compagnons, ils ne priaient pas salat al-Jumu'ah dans les voyages. OK, salat al-jumu'a, c'est pas obligatoire pour le voyageur, seulement obligatoire pour les résidents d'une ville. Donc le cheikh il dit, quand il partait en voyage, il priait pas le jumu'a, il priait uniquement salat al-dhuhr. Donc ceux qui pensent que salat al-jumu'a c'est une prière qui est obligatoire pour tout le monde, qu'il soit voyageur ou résident, sans distinction entre les deux, ils se sont trompés. Et ceux-là n'ont pas de compréhension de la charia. Hein? Et ils n'ont pas vérifié les textes. Et ils n'ont pas médité non plus sur ces textes pour essayer de les comprendre. Parce que ce que la majorité des musulmans ont comme position par rapport à cette question, parmi les ulama, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas salat al-jumu'ah dans ses voyages. De même que les bédouins qui vivaient autour de al-Madinah, ils ne priaient pas non plus al-jumu'ah. Pourquoi? Parce que une des conditions de salat al-jumu'ah, c'est d'être résident, hein, et d'être sédentaire, d'habiter quelque part. Naam. Donc ça c'est un point important. Exactement. Le cheikh il dit ensuite: wa fa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam kullu shay'in min amr al-jahiliyya tahta qadamayya mawdu'. فيدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات مثل دعواهم يا لفلان ويا لفلان ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم. Donc le cheikh il mentionne un autre exemple de ce qui est mentionné dans Khutbatul Wada', c'est que yani dans cette khutba il a dit également tout ce qui était des choses de la jahiliya, c'est complètement annulé et c'est en dessous de mes pieds, hein, en voulant dire que ça compte plus, les choses de la jahiliya c'est fini maintenant. Et donc tout ce qui rentre dans les adorations ou des coutumes ou les traditions de la jahiliya, tout ça ça rentre là-dedans aussi, comme le fait que avant l'islam les gens s'appelaient à l'aide les uns des autres contre d'autres tribus, hein, c'est-à-dire il disait oh yani ya li foulan, en voulant dire venez m'aider, yani, et s'entraider les uns contre les autres sans tenir compte de où est-ce que c'était la justice, c'est-à-dire sans tenir compte du fait que est-ce que celui qui te demande son support c'est l'oppresseur ou l'opprimé, hein? Donc également les fêtes et les célébrations qu'ils fêtaient avant l'islam, et d'autres également parmi les exemples. Le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan il donne un commentaire là-dessus, il dit: هذا تعليق يعني أن كل مآثر الجاهلية من عادات وعبادات وتقاليد وتفاخر بالأنساب وأكل للربا وأخذ بالثأر مرفوض قد توقف العمل به لأن الله رفع هذه الأمة بالإسلام وأحكامه القائمة وأحكامه القائمة على أساس الوحي، في حين أن تعاليم الجاهلية إنما هي من إملاء شياطين الإنس والجن، فهي باطلة ولا يجوز العمل بها لا في العبادات ولا في العادات. فالذين يريدون أن يحيوا أمور الجاهلية ويفتخروا بشخصيات الجاهلية ويقيمون المناسبات والاحتفالات لها يريدون أن يعيدوا شيئا وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم تحت قدميه. Donc le cheikh dit, ce commentaire là signifie que toutes les choses de la jahiliya, que ce soit des coutumes, des adorations, des traditions, le fait qu'ils étaient fiers de leur généalogie ou de leur lien de parenté, ou bien disons de leur origine, et qu'ils dénigraient les autres, ou bien qu'ils mangeaient du riba, hein, les intérêts, ou bien qu'il se vengeait lorsqu'il y avait des crimes ou des choses qui s'étaient produites, il cherchait à se venger de la victime, pour la victime. Il faisait des vendettas, comme on appelle. Et il dit que toutes ces choses-là, c'est devenu rejeté. Et c'est quelque chose, on ne doit plus agir là, selon ces choses-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a élevé cette umma de l'islam, et ces règles, les règles de l'islam sont établies sur la base de la révélation. Tandis que les enseignements de la jahiliya, ils ne viennent que de ce que les diables ont dicté parmi les djinns et les hommes. Et donc, c'est des traditions qui sont batila, qui sont fausses. Et il n'est pas permis d'agir selon ces choses-là, ni dans les adorations, ni dans les traditions, ni dans les coutumes. Et donc, ceux qui veulent faire revivre les choses de la jahiliya et qui veulent essayer de chercher de la fierté en des personnalités de la jahiliya et établir des occasions et des célébrations et des fêtes qui reviennent à des fêtes de la jahiliya, ces gens-là, c'est comme s'ils veulent faire revenir quelque chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait mis sous ses pieds. Après, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il continue et il dit: ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية من ربا من الربا الذي في ذمم أقوام ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده أو إسلام أو قبل إسلام المقتول وعهده إما لتخصيصها بالذكر بعد العام وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يعتقد أنها حقوق لا لسنن عامة لهم فلا تدخل في الأول كما لا تدخل في الديون لا كما لا تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح أو قرض أو نحو ذلك ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الإسلام أقره الله في الإسلام كالمناسك وكدية المقتول بمئة من الإبل وكالقسامة ونحو ذلك لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى في الإسلام وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه Donc ici le cheikh il explique que il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées en particulier, parmi des choses de la jahiliya, comme on l'a dit, que les gens avant l'islam rendaient licites dans les biens, dans le sang et dans les biens, c'est-à-dire la vie des gens et leurs biens. Ils se rendaient ces choses-là licites, soit par exemple par le riba, ou bien par le fait de yani vouloir venger ou de vouloir tuer quelqu'un qui avait été tué avant l'islam. Ou bien yani quelqu'un avant d'être converti à l'islam, yani c'est-à-dire la victime, c'est ça, avant que la personne ait été tuée avant l'islam, donc des choses comme ça, les gens voulaient les venger. Et donc toutes ces choses-là étaient maintenant abolies et annulées. Et donc le cheikh explique que les choses de la jahiliya en général, ces choses-là rentrent dans ce qui sont interdites, sauf des choses qui ont été affirmées et confirmées par l'islam. Parce qu'il y a des choses de la jahiliya ou qui étaient faites avant l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acceptées et approuvées parce que c'était des choses qui étaient correct. Comme par exemple le riba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je l'ai annulé. Mais les dettes qui étaient des dettes correctes, c'est-à-dire des vraies dettes, si quelqu'un il avait une dette, ça il ne l'a pas annulé. Ou bien un prêt, par exemple, que quelqu'un avait pris, il n'a pas annulé le prêt. Tu comprends? Donc ça c'est pour faire comprendre qu'il y a des choses qui existaient dans la Jahiliya et qui ont été acceptées. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a acceptées dans l'islam. Il dit, donc le cheikh il dit وَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا اللَّفْظِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقَرَّهُ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ. De même que par exemple parmi les rites qu'on fait dans le hajj, il y a des choses qui étaient faites qui sont restées parce que c'est des choses qui faisaient partie de l'exemple de Ibrahim alayhi salam, et qu'est-ce qu'il avait laissé. De même que la diya, le prix de sang, lorsque quelqu'un est tué, le prix du sang c'est 100 chameaux, hein, une centaine de chameaux que la personne doit donner pour la personne qui a été tuée, hein. Donc ça c'est un exemple, et il donne d'autres exemples aussi, Al-Qasama, et Al-Qasama, je pense que si je me trompe pas, c'est lorsque plusieurs personnes sont réunies dans le meurtre d'une personne. C'est-à-dire quand ils ont tué quelqu'un, mais à plusieurs. Et comment on va diviser la peine ou des choses comme ça. Et donc il dit, donc c'est des choses comme ça, par exemple. Puis le Cheikh Al-Fawzan, il commente là-dessus, il dit قَوْلُهُ ثُمَّ خَصَّ بَعْدَ ذَلِكَ الدِّمَاءَ وَلَمْوَالَ الَّتِي كَانَتْ تُسْتَبَاحَ. Il dit الْكَافِرْ إِذَا أَسْلَمْ لَا يُؤَخَذْ بِمَا كَانَ مِنْهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ كالزنا وأكل الربا وقتل النفس لأن الإسلام يجب ما قبله فكل ما كان قبل الإسلام لا يطالب به وإنما يطالب بما يحصل منه بعد الإسلام. Donc ça c'est un point que le cheikh il a mentionné. يعني من قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده. Donc c'est ça. Si par exemple un kafir il a tué des gens, où il a fait le zina, où il a mangé du riba avant l'islam, puis il devient musulman, il dit du moment que la personne est devenue musulmane, l'islam a effacé tout ce qu'il a fait auparavant, hein? Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que qu'est-ce qu'il a fait avant l'islam, on ne peut plus lui demander des comptes pour ça maintenant. C'est ça que ça signifie. Hein? Donc, qu'est-ce qui compte maintenant? C'est uniquement, on peut seulement lui demander des comptes et le punir pour des choses qu'il fait après avoir été musulman. Hein? Mais si quelqu'un avant l'islam, il avait fait des crimes, il avait fait des choses illégales ou des choses interdites, puis qu'il s'est converti à l'islam, maintenant, c'est comme s'il repart à zéro. Comme tout ce qu'il avait fait avant s'est effacé. Donc c'est ça, ça c'est une des explications de ce que Cheikh l'Islam a mentionné ici par rapport à ce qui était avant l'islam. Et il dit وَمِمَّا يُسْتَثْنَا مِمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. C'est-à-dire c'est quoi les choses qui sont des exceptions par rapport aux choses de la Jahiliya? C'est quoi les exceptions, les choses qu'on peut accepter des affaires de la jahiliya? Donc le cheikh il dit wala yadkhulu fi hadha al-lafz ma kanu alayhi fi al-jahiliya, يعني استثني من هذا التخصيص السابق. استثني من هذا التخصيص السابق ذكره ما كان من الامور الخيريه التي كانت تفعل في الجاهليه واقرها الاسلام ومن ذلك اكرام الضيف والوفاء بالعهود وحسن الجوار والكرم والشجاعة وكل مكارم الأخلاق وكذلك الدية من حيث كانت 100 من الإبل فأقرها الإسلام وكذلك ما كان في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام مثل الحج فالحج من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكنهم أدخلوا فيه أشياء ليست منه فالرسول صلى الله عليه وسلم ألغى هذه الأشياء التي أدخلوها وليست من الحج، مثل قولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، فألغى الرسول صلى الله عليه وسلم قولهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. Donc le cheikh il donne des exemples de qu'est-ce que l'islam a approuvé de certaines choses de la jahiliya. Il dit par exemple qu'est-ce que ça signifie ces exceptions qui ont été mentionnées de façon spécifique dans ce qu'on a mentionné dans les choses précédentes, comme par exemple tout ce qui est des choses qui sont des actes de bienfaisance, hein? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les actes qui sont des actes de bien, hein, des choses de bien qui étaient faites dans la jahiliya et que l'islam a approuvé. Donc par exemple le fait de donner, de faire preuve de générosité et d'honorer notre invité lorsqu'on a un invité, de l'honorer. Al-wafa ou bil-uhud, c'est-à-dire lorsqu'on fait un engagement ou on prend un engagement ou un pacte, de respecter cet engagement-là, ça fait partie des choses que les Arabes ils faisaient dans la jahiliya, hein? Mais c'était, hein, des choses qu'ils faisaient dans la jahiliya, l'islam l'a approuvé, hein? Aussi husnul jiwar, c'est-à-dire d'agir avec bonté envers nos voisins. Ça, même les Arabes avant l'islam, ils connaissaient ces choses-là. Al-karam, c'est-à-dire la générosité, le fait d'être généreux. Al-shuja', le courage, d'être courageux lors de la bataille ou du combat ou dans nos actions. Wa kullu makarim al-akhlaq, et toutes les la noblesse de caractère et de comportement. De même que Ad-Diyah. Ad-Diyah, c'est-à-dire le prix de sang qui était établi à 100 chameaux. Et l'islam l'a accepté comme ça. Et il l'a gardé. Hein? Encore aujourd'hui, le prix du sang, c'est 100 chameaux. Hein? Encore aujourd'hui, c'est 100 chameaux. Les 100 chameaux, c'est une grosse somme. Je ne peux pas vous dire combien ça fait en dollars canadiens, mais ça fait un gros montant quand même. Et ça, c'est ce qu'on appelle Ad-Diya. Il dit ensuite également comme exemple des choses qui sont restées, des choses qui étaient dans la jahiliya, qui faisaient partie des restants de la religion d'Abraham. Donc, par exemple, les choses qu'on faisait dans le Hajj. Les choses qu'on fait dans le Hajj, ça vient en fait des restants de la religion d'Abraham. Même si les Arabes, eux, malheureusement, avaient introduit dans les rites du Hajj, dans les choses qu'on fait dans le Hajj, ils ont ajouté des choses qui n'en faisaient pas partie. Et ces choses-là qui ont été rajoutées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a annulées, les a éliminées. Parce que, elles ne faisaient pas partie du Hajj, c'est les Arabes idolâtres qui les ont ajoutées. Et par exemple, lorsqu'ils disaient la talbiya, la baik Allahumma la baik, la baik ala sharika la baik, eux, ils ont rajouté là-dedans, ils disaient, illa sharika huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. C'est-à-dire, la baik Allahumma la baik, la baik ala sharika lak la baik. Illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ça veut dire sauf un associé qui t'appartient et ce qu'il possède t'appartient. Et cet associé là il t'appartient et également ce qu'il possède. Donc eux ils ont rajouté ça dans la talbiya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enlevé. Parce que, nous on dit seulement la baik ala sharika la baik, la baik Allahumma la baik, la baik ala sharika la sharika la la baik, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika la ila akhiri. Donc c'est juste ça, on a enlevé la partie que les mushrikines ont ajoutée. Après le sheikh il dit wa min al-umur allati ألغاها أنهم يقفون في مزدلفة ويخرجون إلى عرفة أنهم يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوز مزدلفة وذهب إلى عرفة على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فخالف أهل الجاهلية. Donc le cheikh il dit parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulées, c'est que eux ils s'arrêtaient, ils se tenaient à Muzdalifa, ils ne sortaient pas jusqu'à Arafah. Et ils disaient nous nous sommes les gens du haram. Et donc ils disaient on ne sort pas vers Al-Hil, on ne sort pas en dehors des limites du haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui il dépassait Muzdalifa et il allait jusqu'à Arafah sur la voie d'Abraham. Et donc il a contredit les gens de la Jahiliya dans ce sens. Et après il dit, donc ça c'est pour réfuter yani, ceux qui prétendent que l'islam c'était quelque chose qui était basé sur les coutumes des Arabes, hein, et que c'est la religion des Arabes. Non, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a rejeté plein de choses que faisaient les Arabes dans leurs coutumes et dans leurs traditions. En premier, première chose de tout, le shirk, l'idolâtrie, l'adoration des idoles et des statues et plein d'autres croyances et de pratiques contraires à l'islam. C'était toutes des pratiques et des croyances arabes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il a opposé son peuple dans ses croyances et dans ses pratiques. Et c'est pour cette raison-là que même son peuple a été le premier à le rejeter et à le combattre, parce qu'il est venu opposer les Arabes dans leurs croyances et dans leurs pratiques religieuses, et il est venu remettre en question plein de choses qu'il faisait, hein, et il a annulé toutes ces pratiques et ces fausses croyances et il les a appelées à l'islam. Donc l'islam c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la religion d'un peuple parmi les peuples, hein, ou de la religion des Arabes d'un peuple en particulier parmi les peuples sur terre. Non, toute l'humanité est appelée à se convertir à l'islam et à se soumettre au créateur. Le cheikh il dit ensuite wa qawluhu li anna amra al jahiliya ma'nahu al mafhum minhu ma kanu alayhi mimma lam yuqirruhu al islam al maqsoud fal maqsoud منع ما كان من أمور الجاهلية عموما إلا ما أقره الإسلام مثل الأمور التي ذكرنا. Donc le cheikh il dit que ce que cheikh l'islam a dit en dernier, c'est que de façon générale tout ce qui était dans la jahiliya c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire et que c'est quelque chose d'interdit, excepté ce que l'islam a affirmé et confirmé. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Si l'islam a accepté quelque chose comme pratique ou comme croyance ou comme quelque chose de particulier qui était fait dans la jahiliya, alors cette chose-là, dans ce cas-là, fait partie de l'islam. Mais le reste, c'est automatiquement des choses qui sont rejetées et interdites puisqu'elles font partie de la jahiliya. Donc c'est ça la règle. La règle, c'est que tout est interdit de la jahiliya, excepté s'il y a une preuve de la charia pour dire que c'est correct. Naam, pour dire que c'est approuvé par l'islam. C'est pas le contraire, comme certaines personnes qui pensent que tout est accepté de la jahiliya, accepté, hein, s'il y a une preuve qui l'interdit. Non, c'est le contraire. C'est que tout est interdit sauf s'il y a une preuve de la charia qu'il a accepté des choses de la jahiliya. Parce que, comme on l'a mentionné dans les hadiths précédents et dans les chapitres précédents, que le terme même jahiliya c'est un terme mauvais, péjoratif et qui implique des choses qui sont interdites par l'islam. Le cheikh il dit ensuite, cheikh l'islam ibn Taymiyyah il dit wa aydan ma rawa Abu Daoud wa Nasa'i wa Ibn Majah min hadithi Ayyash ibn Abbas an Abi al-Husayn al-Misri يعني al-Haytham ibn Shafi قال خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإليا وكان قاسمهم رجل من الأزد يقال له ريحانة من الصحابة رضي الله عنهم قال أبو الحسين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة قلت لا قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجل الرجل بأسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان وفي رواية عن أبي ريحانة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس رواه عنه المفضل بن فضالة وحيوة ابن شريح المصري ويحيى ابن أيوب وكل منهم ثقة. نعم. Donc on va essayer de traduire ce hadith. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Dawud, Nasa'i et Ibn Majah. Selon Ayyash ibn Abbas, donc il y a la chaîne de transmission ici. Et donc, il dit que. Il y a un des compagnons qui s'appelait Raihana qui leur a mentionné un hadith. Et dans ce hadith, il dit que Abu Raihana, il dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a interdit 10 choses. Et il mentionne les 10 choses. Al-washr, wal-washm, wal-natf, wal-mukama'a. En tout cas, on va expliquer chacun des différentes choses qui ont été interdites. On va les mentionner avec l'explication de Cheikh Al-Fawzan, point par point. Donc il dit اجتمل هذا الحديث على عدة أمور منهي عنها والشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير في أسفل الثوب وعلة النهي التشبه بالأعاجم. Donc il dit dans ce hadith il y a l'interdiction de plusieurs choses. Et ici on voit que qu'est-ce qu'on a voulu prouver par rapport à ce hadith là, par rapport au sujet du livre et le lien que yani, ce hadith a avec le livre, puisque le sujet c'est de prouver l'interdiction d'imiter les kuffars. Le cheikh explique que shahid qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter des vêtements avec de la soie en dessous. Si c'est des vêtements qui ont une doublure de soie, c'est pas permis. Et la raison de l'interdiction de ça, c'est à cause de la ressemblance aux non-musulmans. Et le cheikh explique donc le hadith à partir du début. Il dit قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرين, يعني il a interdit 10 choses. Et la première chose qu'il a mentionné, c'est al-washr. Al-washr. Et al-washr, c'est quoi? Le cheikh, il dit washr al-asnan. Wa huwa ma yusamma bit-tafalluj. Alladhi yu'malu li-ajli zina. التفلج الذي يعمل لأجل الزينة وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يعبث بالأسنان وأن يجعل بينها فتحات بالمنشار لأجل الزينة لأن لكن إذا احتاج المسلم لعمل ذلك من أجل العلاج كأن تكون الأسنان غير مستقيمة فلا حرج في ذلك فإن كان من باب التزين فهو حرام. Donc le cheikh il dit que la première chose qui est mentionnée dans ce hadith parmi les 10 choses qui sont interdites c'est al-washr. Et al-washr ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui se font des espaces entre les dents, ils se font élargir les espaces entre les dents avec une lime ou avec un instrument qui va comme, disons, limer les dents pour faire des espaces plus écartés entre les dents. Et il y a des gens qui trouvent ou qui pensent que c'est quelque chose qui est beau quand tu fais ça. Donc, tu vois, par exemple, surtout les femmes, elles se font limer les dents comme ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit ça. Il a dit, sauf si le musulman il en a besoin, par exemple, parce qu'il a besoin d'un traitement dans ses dents, comme par exemple pour les redresser, parce qu'elles ne sont pas droites, ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est dans le but d'embellir, l'embellissement, dans ce cas-là, c'est haram. Le cheikh, il dit ensuite, il dit, وَأَمَّا الْوَشْمُ فَهُوَ أَنْ يَغْرِزَ الْرَجُلُ أَوْ الْمَرْأَةِ إِبْرَةِ فِي الْجِلْدِ أو يبضع الجلد بضبع حتى يخرج الدم ثم يظهر عليه مادة سوداء كالكحل ونحوه حتى يبقى رسما على جسمه فهذا عمل جاهلي لا يجوز لأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله. Donc la deuxième chose qui a été interdite dans ce hadith c'est al-washm. Et al-washm c'est quoi? C'est le tatouage. Donc dans l'islam le tatouage c'est interdit, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et le cheikh explique en quoi consiste le tatouage. C'est de prendre une aiguille avec de l'encre et de le piquer dans la peau pour que sorte le sang et en même temps pour que l'encre en question laisse une marque dans la peau et que ça laisse un dessin à la fin. Donc le cheikh il dit que ça fait partie des actions de la jahiliya, de l'ignorance. Et ça fait partie de changer la création d'Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud, il dit qu'il a maudit, Allah a maudit le tatoueur et la personne qui est tatouée, homme ou femme. C'est-à-dire ceux qui font le tatouage et ceux qui se font tatouer sont maudits. De même que ceux qui se font faire des écarts entre les dents pour s'embellir ou comme embellissement que ça fait partie donc de changer la création d'Allah. La troisième chose ensuite qui est mentionnée c'est al-natf. Wa amma al-natf wa huwa natf al-shayb fa inna al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an natf al-shayb أو نتف شيء من اللحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها وكذلك نتف المرأة لحواجبها وهو يسمى بالنمص وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. Donc le cheikh explique que an-natf, c'est-à-dire de tirer les poils blancs, de se les enlever. Il y a des gens qui font ça, ils prennent une pince et ils s'arrachent tous les poils blancs qu'ils ont, soit dans les cheveux ou ailleurs. Donc ça c'est interdit. Et la barbe aussi c'est interdit de l'enlever, de se l'enlever, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de la laisser pousser. Il dit que également on peut comprendre que an-natf c'est aussi le fait que la femme s'enlève ses sourcils. La femme n'a pas le droit donc de s'enlever les sourcils, et c'est ce qu'on appelle an-nams. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit la femme qui enlève ses sourcils et celle qui se les fait enlever. La femme qui enlève les sourcils et celle qui se les fait enlever. Donc, c'est une action qui est interdite. Et ça, c'est à la mode des fois. Les femmes aujourd'hui, elles font ça aussi. Elles s'enlèvent les sourcils, puis elles mettent un crayon, une marque de crayon noir pour prendre la place de ses sourcils. Donc ça, c'est interdit, ça. Et le cheikh, il dit, وَأُشِيرُ هُنَا إِلَىٰ أَنَّ صَبْغَ الْحَوَاجِبِ الذي تفعله بعض النساء اليوم يدخل في تغيير خلق الله فالأصل أن تترك الحواجب على خلقتها فلا يتعرض لها وهذا الصبغ يسمى بالتشقير وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريمه. Donc justement, les femmes qui se font un trait avec un crayon à la place des sourcils, eh bien ça c'est quelque chose que les femmes font aujourd'hui, et ça rentre dans le fait de changer la création d'Allah. Et à la base, la femme doit laisser ses sourcils tels qu'ils sont, comme Allah les a créés, et elle ne doit pas y toucher. Et le fait de mettre une trace de crayon à la place, c'est ce qu'on appelle en arabe tashqir. Et il dit, il y a une fatwa de al-lajnat al-da'ima lil-ifta qui l'interdit. Il dit, وأما عمليات التجميل فهي على نوعين تجميل من باب العلاج كإزالة شين أو تشوه فلا بأس به فهذا لا بأس به والنوع الثاني تجميل ليس فيه إزالة عيب ولا شين فهذا في الحقيقة من تغيير خلق الله وهو من التشويه ولا يجوز فعله. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les opérations que les gens font pour soi-disant embellir leur personne, il dit que ça c'est de deux catégories. Soit que c'est un embellissement qui est dans le sens du traitement, d'un traitement pour enlever un défaut ou enlever quelque chose qui en est dit. Comme parfois il y a des gens qui ont des défauts, des imperfections ou des choses qui les enlaidissent. C'est un défaut qu'ils ont dans leur apparence. Donc ils se font faire des opérations pour le réparer. Comme quelqu'un qui a les dents croches, il veut se les mettre droites, il va mettre des broches ou des choses comme ça. Ou quelqu'un, je sais pas moi, il a un kyste quelque part et il veut l'enlever pour... parce que ça ne fait pas beau, ou il y a des défauts comme ça, ça existe. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Aussi, des fois, bon, ça peut arriver que des gens ils ont des poils qui poussent à des endroits où ça ne pousse pas d'habitude. Surtout pour une femme, par exemple, si elle a de la barbe ou des choses comme ça, il y a des femmes, ça peut arriver. Dans ce cas-là, c'est permis, elle peut les enlever. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle est supposée d'avoir. D'accord ? Et sinon, donc la deuxième catégorie, c'est les opérations que les gens font pour embellissement. Pas pour corriger un défaut, mais pour soi-disant que la personne est normale, mais elle veut se faire faire une opération pour soi-disant s'embellir. Pas pour enlever un défaut quelconque. Il dit dans ce cas-là, ça rentre dans le fait de changer la création d'Allah. Et c'est en réalité, c'est en faisant ça qu'on s'en l'est dit. Et donc, c'est pas permis. Et tu vois, il y a beaucoup de vedettes et de gens, oui, de gens de vedette ou des gens qui ont de l'argent qui se font faire des chirurgies, comme tu dis, esthétiques, ou même parfois des injections de Botox ou des trucs de ce genre. Et puis tu vois qu'ils se font faire toutes sortes de trucs. Plus tard, on dirait que leur visage, ça devient comme des masques. Ça, c'est comme des monstres. Ils peuvent même plus se montrer en public tellement ils sont alaidis. Nasallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de rester tel quel. Surtout, il y en a que c'est parce qu'ils ne veulent pas accepter le fait de vieillir. Hein? Donc, ils veulent avoir la peau toujours lisse et toujours avoir l'apparence jeune. Yani, tu ne peux pas aller contre yani, qu'est-ce qu'Allah a voulu. Et le cheikh, il dit ensuite, un autre exemple de ce qui est interdit dans le hadith, il dit « Wa amma qawluhu mukama'atu ar-rajula bighayri shi'ar wa mukama'atu al-mar'atu al-mar'ata bighayri shi'ar al-muradu bil-mukama'a at-tajarrudu min al-malabis bi'an yatajarrada ar-rajulan min malabisihima wa yakuna tahta ghita'in wahid aw tatajarradu al-mar'atan tahta ghita'in wahid والشعار معناه ما يلبس مما يلي الجلد من الستر كالثوب. Donc le cheikh explique que qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith al-mukama'a, ça veut dire que qu'est-ce qui est interdit par rapport à ça, c'est que un homme qui est comme deux hommes qui sont dévêtus sans vêtements qui se recouvrent avec la même couverture, ça c'est pas permis. De même que deux femmes qui sont dévêtues, qui se couvrent avec la même couverture pour dormir, ça c'est interdit également. Naam. Et il dit, ash-shi'ar, ça veut dire ça. Tu dois pas, deux personnes doivent pas être sous une couverture ensemble sans vêtements. Ils doivent pas être dévêtus sous la même couverture. De cette façon, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Il a dit ça c'est interdit. Il dit wa amma qawluhu an yaj'al ar-rajul bi asfali thiyabihi hariran min mithl al-a'ajim aw yaj'al 'ala mankibayhi hariran mithl al-a'ajim hadha huwa mahall ash-shahid wa huwa an yaj'al fi asfali thiyabihi hariran mithl al-a'ajim wa sayubayyin ash-shaykh rahimahullah qariban أن اليسير من الحرير رخص به النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب لكن المنهي عنه أن يكون على شكل ما تفعله الأعاجم أما إذا كان على غير شكل ما تفعله الأعاجم كالطراز في الثوب أو الجيب أو الأكمام أو في البشت فهذا لا بأس به وقد قدر في حدود أربع أصابع فأقل. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est interdit donc d'avoir des vêtements qui sont doublés avec de la soie comme les non musulmans, de même que d'avoir sur les épaules de la soie comme les non musulmans. Et c'est ça qui est voulu ici. C'est ça la preuve qui est tirée du hadith pour prouver qu'on n'a pas le droit d'imiter les kuffars. C'est que les kuffars, eux, ils prennent des vêtements doublés de soie. Et qu'on a été interdit de faire ça à cause du fait que c'est une ressemblance avec eux. Et le cheikh, il va expliquer que plus tard, il va expliquer que si c'est un peu de soie, une petite quantité de soie qui est mise dans les vêtements, dans ce cas-là, c'est pas grave. Mais que c'est interdit si c'est fait à la manière des kuffars. Hein? Tandis que si c'est juste une petite quantité de soie, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Que ce soit, par exemple, dans l'ouverture des vêtements ou les manches, un peu de soie sur les manches ou des choses comme ça, c'est pas grave. Et ils ont donné comme mesure la distance de 4 doigts. Donc si c'est la distance de 4 doigts, c'est correct. Si c'est pas plus que ça, ça va. Et il dit إذن هما صورتان الأولى أن يجعل الحرير في أسفل الثوب والثانية أن يجعل في أعلاه على كتف أن يجعله في أعلاه على كتفه المهم أن يكون ذلك على صفة ما يفعله الأعاجم. Donc il dit qu'il y a deux façons dont les non-musulmans le faisaient, c'est-à-dire qu'ils portaient en dessous de leurs vêtements de la soie, c'est-à-dire comme une doublure en soie à l'intérieur, ou bien de la soie par-dessus ou au niveau des épaules. Et il dit ça, c'est pas permis. Et donc, du moins que c'est porté à leur façon, on n'a pas le droit de le faire. Et il dit wa an-nuhba, wa amma an-nuhba. Oui, en passant, la soie, les vêtements de soie, c'est pas permis pour les hommes, c'est permis seulement pour les femmes dans l'islam. Et quand on a dit la petite quantité, ça c'est seulement dans qu'est-ce qui est acceptable ou permis pour les hommes. Hein? Et aussi, il y a des cas où quelqu'un qui avait des maladies de peau à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de porter de la soie pour justement parce qu'il avait des problèmes de peau. Hein? Puisque c'était plus doux pour lui, donc il lui a permis de le porter. Hein? Et ça, c'est si je me rappelle bien, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais je crois que c'était ça. Et après, il dit wa amma an-nuhba fa hiya an yunthir malun mathalan wa yuqalu man sha'a an yantahib falyaf'al fa hadha min bab al-abath wa ida'ati al-mal an yunthir malun mathalan ويقال من شاء أن ينتهب فليفعل فهذا من باب العبث وإضاعة المال وأما ركوب النمور يعني على جلود النمور لأنه نهي عن جلود السباع وافتراشها واستعمالها وأما لبوس الخاتم فالمراد به خاتم الفضة وغيره مما ليس بذهب فلا مانع من ذلك فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ومنع لبسه إلا لذي سلطان ومنع لبسه إلا لذي سلطان المراد بذلك ما ينقش على الخاتم من الكتابة الرسمية حتى لا يغر الناس ويختلط عليهم الأمر أن هذا خطم السلطان وهو ليس كذلك. نعم. Donc le cheikh ensuite il parle de an-nuhba, puis d'après ce que je comprends ici, c'est qu'est-ce que la personne fait comme pour gaspiller de l'argent. Donc il dit ça rentre dans le fait de gaspiller de l'argent. Et après il parle de rukub an-numur, c'est-à-dire de monter sur les tigres. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est la peau des tigres. Parce qu'il y a des gens qui font la chasse des animaux féroces pour prendre leur peau. Puis après, ils font des tapis avec, ou bien ils font des trucs avec. Et on a été interdit d'utiliser les peaux des bêtes féroces, comme les lions, les tigres, ou des animaux comme ça. Donc on n'a pas le droit de yani les chasser pour leur peau puis d'utiliser ces peaux là. Naam. Ouais, non, c'est ça, c'est tué pour rien, parce que ces animaux on peut pas les manger de toute façon. Donc on n'a pas le droit de les chasser juste pour le sport ou bien pour prendre leur peau pour les faire des décorations avec. Il dit wa amma lubusul khatim, en ce qui concerne le fait de porter des bagues. Il dit si c'est une bague d'argent ou autre, c'est permis tant que c'est pas de l'or, il n'y a pas de problème. Il dit puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bague en argent. Hein? Donc tant que c'est pas de l'or, c'est correct. Ça c'est pour les hommes, parce que pour les femmes, porter de l'or c'est permis. Hein? Les bijoux en or, c'est correct. Mais pour les hommes, c'est interdit. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... Hein, par rapport même aux instruments, pas aux instruments, aux ustensiles, aux assiettes, les contenants, on n'a pas le droit de prendre des contenants d'argent ou d'or pour manger avec ou pour boire. Et il dit que, si je me souviens bien, dans le hadith, ça dit que ceux qui ont utilisé ça dans cette vie, ils ne vont pas l'utiliser dans le paradis. Et ceux qui portaient la soie dans cette vie, ils ne vont pas l'avoir dans le paradis. Et ceux qui, par exemple, buvaient de l'alcool dans cette vie, ils ne vont pas boire dans l'au-delà, dans le paradis. Donc ça c'est des exemples que parfois certaines choses, si les gens ils se sont permis de les faire dans cette vie d'ici-bas, ils vont en être privés dans l'au-delà, hein? Allahu ta'ala a'lam. Et après le cheikh il dit وَمَنْ عُلِبْسِهِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانِ. Quand il dit que c'est pas permis de le porter excepté pour le dirigeant, il dit ça c'est les bagues qui avaient une gravure dedans qu'on utilisait comme une étampe, hein, pour le dirigeant, pour quand il envoie une lettre officielle, on pouvait reconnaître que c'était sa lettre avec son étampe, parce qu'il avait une bague, il y avait un tampon dessus. Donc, si c'est dans le cas que quelqu'un il se fait une bague avec une gravure comme celle du dirigeant pour imiter sa signature ou des choses comme ça, ou imiter son tampon, ça c'est pour tromper les gens et pour les mélanger, dans ce cas-là, non, ça c'est pas permis. Mais si c'est une bague en argent ordinaire qui n'a pas de tampon dessus ou quoi, ça, s'il n'y a pas de problème. Naam. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter ici, Inch'Allah. Puis, on continuera ça la semaine prochaine, bi'idhnillah. Donc, subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم إن شاء الله. La soie, c'est un tissu qui est fabriqué à partir des fils d'un verre. Des fils, c'est un petit verre qui le fait. Ouais. Comme un genre de fil, on appelle les verres à soie. Je vais t'expliquer. C'est en fait, même moi je me posais la question comment c'était fait. J'ai trouvé ça sur YouTube, la vidéo qui explique comment ils ont fait la soie. C'est le verre, à un moment donné, il construit un cocon. Ok? Puis quand il sort du cocon après, je pense qu'il devient un papillon ou quelque chose comme ça. Donc il reste la boule dans laquelle il était là, avec la soie qu'il a fabriquée pour s'envelopper. Ils prennent toutes ces boules-là, ils le mettent dans une sorte d'eau pour le faire bouillir, je pense, ou quoi. Puis après, ils l'enroulent, ils font comme un fil avec. Puis avec ce fil-là, ils vont le teindre ou quelque chose comme ça, puis ils vont faire des vêtements avec. C'est un tissu qui est très, très léger, très doux. Et puis c'est pour ça qu'il est très, très cher. Et surtout qu'à l'époque, je pense même quand ils l'ont découvert, c'était pas facile d'obtenir ce verre-là parce qu'il était seulement quelque part en Asie. Et les gens, pour aller les chercher, ils devaient faire un voyage vraiment dangereux pour arriver à les obtenir. Donc ça ajoutait bien entendu de la valeur au produit, là, comme on dit. Ouais. Mais moi, de la soie ça existe, hein, c'est juste que ça coûte très cher. Ouais. Non, c'est ça. Non. طيب خير بإذن الله وسعتي إيسي إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.